au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes? Il ne tient nullement à vous faire courir de risques. J'ai le plus grand intérêt à maintenir la réputation que vous êtes faite au Sénat. Regardez ça. Cette campagne en votre faveur dans toute ma presse. Et vous croyez vraiment que les gens vont gober tout ça? On ne sait jamais. Après tout, vous êtes notre grand homme politique de l'Ouest, dont le renom ne cesse de croître. Et déjà, moi, je me vois président. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. À voir les chiffres, on est pris de vertige. Je parle du coût des campagnes électorales aux États-Unis, au premier chef la présidentielle telle qu'elle se déroule sous nos yeux, depuis les primaires jusqu'au scrutin décisif final de novembre prochain. Sous couvert d'un hommage obstiné à la liberté des comportements individuels, la législation s'avère pratiquement là-bas impuissante à limiter des dépenses qui sont en croissance régulière d'élection en élection. Tous les efforts de réglementation paraissent voués à s'épuiser devant la puissance sans frein d'un argent réclamant de n'être jamais bridé. Et on s'interroge forcément sur les conséquences de cela quant aux décisions de l'exécutif et du Congrès, au dehors comme au dedans, quant à la sélection du personnel politique, quant aux exigences de la justice sociale et quant au fonctionnement, en somme, de la démocratie dans un pays dont le destin concerne si manifestement la planète tout entière. On ne peut pas vraiment comprendre comment l'Amérique a pu en arriver à un tel dévergondage, qui apparaît tel en tout cas à nos yeux d'Européens, sans considérer qu'elle s'enracine dans l'histoire longue. Pape Ndiaye, professeur d'histoire américaine à Sciences Po, est devant mon micro ce matin et il va s'employer à éclairer une question qui, tout moralisme mis à part, appelle le recul de la réflexion jusqu'aux origines même de cette République qui nous est si proche à bien des égards et simultanément si lointaine. Je veux vous remercier d'être venu. La première chose que j'ai promis, c'est pas de discours ce soir. Ce n'est pas le propos de notre réunion. Le propos, c'est le rassemblement de quelques Américains pour soutenir Barack Obama afin qu'il devienne président. Et nous écouterons aussi de la musique. Je rappelle aussi à ceux qui doivent partir tôt qu'ils n'oublient pas de laisser leur don dans la boîte, ou bien alors d'aller sur le site où vous avez reçu votre invitation pour ce soir et où vous pourrez utiliser votre carte bancaire pour faire un don via le net. Mais si vous laissez un chèque, nous pourrons le changer et envoyer des dollars pour le soutien de la campagne d'Obama. Nous en reparlerons après, mais maintenant, je veux simplement qu'on écoute Mimi. Je veux dédier cette chanson à ma maman qui vit à New York et qui a fait le don d'une coquette somme pour la campagne. Elle nous salue tous car elle ne peut pas être là ce soir. Salut maman. Mais elle est très fière de ce que nous faisons. Donc c'est une chanson que tout le monde connaît. La voici. Pape Ndiaye, bonjour. Bonjour. J'emprunte cette archive à une émission de Kathleen Evin sur France Inter le 27 octobre 2008. Son émission L'Humeur Vagabonde, c'est un reportage à propos d'un fundraiser parisien. Il s'agit de concentrer les adhésions à l'époque des démocrates à l'égard de Obama, qui est en campagne pour la première fois, 2008. Vous connaissez Mimi ? Non, mais elle chante très bien. On sent bien là ce qu'est, de façon évidemment douce, ce que peut être l'effort de recueil de fonds auprès d'une quantité d'Américains qui a été spécifique, me semble-t-il, à la campagne d'Obama. Ce qui a été remarquable en 2008, c'est l'organisation très rigoureuse, aidée d'ailleurs par les réseaux sociaux, de la campagne Obama, pour recueillir les dons de millions d'Américains. 4 millions d'Américains ont participé au financement de cette campagne, qui a d'ailleurs battu des records. Obama a fait entrer la campagne présidentielle américaine dans une nouvelle ère avec des formes d'organisation, avec aussi des niveaux de financement que l'on n'avait pas connus jusqu'alors. Quand vous dites des records, c'est précisément dans l'ordre de l'argent. Oui, bien sûr. Plus de 700 millions de dollars pour la campagne d'Obama en 2008. Il lui en restait même, figurez-vous, il lui en restait même 30 millions après son élection, ce qui était une somme supérieure au budget de campagne de Bill Clinton en 1992. Et supérieure à ce que les candidats à l'élection présidentielle en France sont autorisés à dépenser. Oui, puisque en France, le plafond des campagnes présidentielles a été fixé à 21 millions d'euros à peu près. Aux États-Unis, on s'est affranchi, justement en 2008, avec Obama, du plafond du financement public, de telle sorte que les candidats à l'élection présidentielle américaine aujourd'hui peuvent dépenser sans limite, et on frôle aujourd'hui le milliard de dollars. Alors que nous avons appris en France quel était le plafond, puisque nous avons su que le candidat Sarkozy, le président sortant, en 2012, avait doublé les dépenses, d'où quelques événements ultérieurs qui ne sont pas au centre de notre conversation ce matin, Pam Diaye. L'importance de l'élection dans la vie démocratique américaine n'est pas neuve. Je vais vous lire un extrait de ce qu'écrivait Tocqueville dans son livre tellement fameux de 1837, « De la démocratie en Amérique », qui était si lucide et à tant d'égards si prémonitoire. Il évoque l'élection présidentielle comme une crise nationale et il dit « Longtemps avant que le moment fixé n'arrive, l'élection devient la plus grande et pour ainsi dire l'unique affaire qui préoccupe les esprits. Les factions redoublent alors d'ardeur, toutes les passions factices que l'imagination peut créer dans un pays heureux et tranquille s'agitent en ce moment au grand jour. À mesure que l'élection approche, les intrigues deviennent plus actives, l'agitation plus vive et plus répandue, les citoyens se divisent en plusieurs camps dont chacun prend le nom de son candidat. La nation entière tombe dans un état fébrile. L'élection est alors le texte journalier des papiers publics, entendez les journaux, le sujet des conversations particulières, le but de toutes les démarches, l'objet de toutes les pensées, le seul intérêt du présent. Cet état fébrile, on le retrouve ces temps-ci, non ? Oui, à coup sûr. Tocqueville écrit au début des années 1830, c'est-à-dire à un moment très important, puisque l'élection de 1828 rompt avec les précédentes au sens où elle est caractérisée par ce qu'on a appelé l'irruption du peuple dans la campagne présidentielle, une augmentation de la participation électorale et puis un candidat, Jackson, qui mène une campagne qui est une campagne moderne. Il sillonne le pays bien plus réduit évidemment à cette époque qu'aujourd'hui. Il fait des discours et il vante en quelque sorte son origine populaire. Donc Tocqueville a été marqué par cette élection de 1828 qui fait entrer en quelque sorte la vie politique américaine dans une ère où l'élection présidentielle donne le la finalement à la politique du pays. Et Tocqueville a bien vu en même temps que dès cette époque, l'argent électoral, à quoi nous allons consacrer cette émission, joue un rôle essentiel. Il écrit « Souvent, j'ai vu mettre en doute la probité des fonctionnaires publics. Plus souvent encore, j'ai entendu attribuer leur succès à de basses intrigues ou à des manœuvres coupables. Les simples citoyens voient un homme qui sort de leur rang et qui parvient en peu d'années à la richesse et à la puissance. » Ils en placent donc la principale cause dans quelques-uns de ces vices, et souvent ils ont raison de le faire. Il s'opère ainsi je ne sais quel odieux mélange entre les idées de bassesse et de pouvoir, d'indignité et de succès, d'utilité et de déshonneur. » Fin de citation. La question de l'argent est donc bien présente à cette époque, le financement des campagnes, ce que les financeurs aussi attendent du président qu'ils ont soutenu une fois que l'élection présidentielle est passée. Et puis, en effet, c'est aussi l'époque où des soupçons pèsent à la fois sur la Banque fédérale, qui sert de pompier finance pour le président sortant en particulier, c'est dénoncé par Jackson en 1828, et puis également les hommes d'affaires qui dans l'économie capitaliste en plein essor des États-Unis entendent évidemment peser pour que les décisions du pouvoir politique aillent dans leur sens. C'est l'époque où un des premiers présidents, Henry Adams, parle de la danse de la démocratie à propos des élections. Oui, la Banque fédérale, elle préoccupait déjà Jefferson, qui critiquait Hamilton. C'est la lutte entre les très respectés aujourd'hui pères fondateurs, ceux qu'on trouve sur les billets de banque, qui discutait précisément de l'utilisation éventuelle d'institutions d'État au profit d'intérêts politiques particuliers. Oui, la question se pose dans les premières années de la jeune République, dans les années 1790, lorsque Jefferson critique très sévèrement le fédéraliste Hamilton, partisan d'un État plus centralisé, en ce que Hamilton est l'initiateur d'une banque centrale qui se voit soupçonnée de financer le parti d'Hamilton, et donc au détriment du parti républicain-démocrate, le futur parti démocrate. Est-ce que dès cette époque, les hommes riches, il commence d'y en avoir, sont favorisés dans les élections? Est-ce qu'on peut y trouver à cette époque-là les prédécesseurs de Trump? Les pères de la Constitution sont des hommes riches. Ce sont des propriétaires d'esclaves aisés, des Virginiens, un Washington, un Jefferson. Bien entendu, ce sont des figures importantes qui financent par eux-mêmes, d'ailleurs, leur campagne électorale. Des campagnes, d'ailleurs, qui n'ont pas du tout l'ampleur qu'elles vont prendre quelques décennies plus tard. Le corps électoral est très réduit. L'essentiel du pays se concentre sur la côte Est. Et donc, on fait des discours à Philadelphie, bien sûr, mais aussi à New York, à Boston, à Baltimore. On rencontre ses partisans, on essaie de les mobiliser. Et puis, c'est à peu près tout. La campagne électorale est une campagne modeste, mais elle est déjà financée, d'autant plus que la Constitution américaine ne prévoit rien à ce sujet. Et donc, il faut bien que les candidats à l'élection pourvoient à leurs dépenses. Est-ce qu'on les entendrait déjà dire ce que Trump proclame, c'est-à-dire qu'il est riche et par conséquent qu'il ne sera pas vénal et que de surcroît il est capable de créer de la richesse, donc de rendre le pays riche? Dans cet extrait, c'est tout à fait audible. C'est un extrait de son discours diffusé dans les matins de France Culture le 1er septembre 2015. Écoutons Trump. Je n'ai besoin de l'argent de personne. J'utilise mon propre argent, pas celui des lobbies, pas celui des donateurs, je m'en fiche. Je suis vraiment riche. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et d'ailleurs, je ne dis même pas ça pour me vanter. C'est de ce type de façon de penser que notre pays a besoin. Nous devons rendre ce pays riche. Ça peut avoir l'air sans scrupule. Quelqu'un m'a dit que c'était sans scrupule. Pour moi, ce n'est pas le cas. Nous avons une dette de 18 milliards de dollars. Nous n'avons que des problèmes. L'armée a besoin de matériel, nos armes nucléaires sont obsolètes. Nous n'avons rien. Notre sécurité sociale va être détruite si quelqu'un comme moi ne ramène pas de l'argent dans ce pays. Tous ces gens veulent supprimer la sécurité sociale. Je ne veux pas qu'elle disparaisse. Je vais ramener de l'argent et on va la sauver. 18 milliards de dollars, il n'y a pas une erreur? Si, il s'agit de 18 000 milliards de dollars. C'est la dette de l'État fédéral aujourd'hui. Ces propos, on imagine que l'entrepreneur ayant construit sa richesse au début du 19e siècle aurait pu les tenir? Non, parce que chez les grandes figures politiques au début du 19e siècle, on a plutôt affaire à une éthique aristocratique. La question de l'argent n'est pas centrale. Un Jefferson ne vante pas du tout sa richesse. D'ailleurs, il a des ennuis financiers dans sa plantation de Monticello en Virginie. Mais on se réclame de valeurs, et avec sincérité d'ailleurs, de valeurs démocratiques. Ce qui est tout à fait frappant ici avec Trump que l'on vient d'entendre, c'est le cynisme avec lequel il déclare que c'est un homme très très riche. Son succès comme homme d'affaires devrait le rendre efficace comme président pour résoudre les problèmes qu'il grossit d'ailleurs de façon démesurée de l'État fédéral. Là, il y a quelque chose d'inédit. Et je n'ai pas souvenir avant Trump d'un candidat à l'élection présidentielle qui ait vanté avec autant de tranquillité cynique le niveau de sa fortune. Cela s'est senti dans les débats de lundi dernier. On l'a senti parce que Trump a été attaqué d'ailleurs assez efficacement par Hillary Clinton à propos de son refus de divulguer ses avis d'imposition. Et donc il y a un mystère d'ailleurs sur le niveau réel de sa fortune qui est conséquente sans nul doute, mais c'est surtout ce qu'on soupçonne, c'est-à-dire le fait qu'il paie peu ou pas d'impôts, bien entendu, qui est en jeu, car Trump... comme de nombreux milliardaires aux États-Unis, dispose de beaucoup de moyens pour contourner l'imposition. Il l'a avoué à demi-mot, d'ailleurs, lundi, en disant qu'il n'était pas assez bête pour payer des impôts. 1840, vous évoquez Jackson, correspond à une évolution, puisqu'on passe progressivement d'un corps électoral assez réduit, 350 000 votants électeurs en 1824 et 2,5 millions en 1840. Donc les choses changent et on voit apparaître déjà une politique d'image. Jackson fait préparer des badges de campagne, il y a même des assiettes qui sont très précieuses aujourd'hui pour les collectionneurs à l'effigie de Jackson. Oui, il y a déjà tout un matériel de campagne qui est encore courant aujourd'hui, qui apparaît au XIXe siècle dans le sillage, au fond, de l'élargissement démocratique du corps électoral. Les États-Unis grandissent, les États s'ajoutent les uns aux autres à cette époque, les États de l'Ouest, le Midwest d'aujourd'hui. Et puis le suffrage universel masculin commence à s'imposer également, de telle sorte que la campagne électorale ne concerne plus les quelques centaines de milliers d'électeurs du début du XIXe siècle, mais des foules et des masses démocratiques qu'il s'agit de convaincre. Et pour cela, bien sûr, la campagne va utiliser des moyens qui sont des moyens inédits en déplacement. Le train arrive aussi à cette époque-là. Les candidats vont utiliser le chemin de fer. C'est le tout début. C'est le tout début. C'est surtout vrai avec Lincoln dans les années 1850 qui sillonne le pays dans son wagon privé. Mais il ne dépense que 100 000 dollars, nous dit la chronique. Oui, c'est très peu, mais on soupçonne déjà que les dépenses sont relativement sous-estimées à cette époque. Non pas qu'elles soient limitées, mais il s'agit aussi de montrer une forme de vertu démocratique qui implique que les sommes ne soient pas trop choquantes à cette époque-là. Lincoln était très doué d'ailleurs pour récolter de l'argent. Il a été très efficace lors de ses deux campagnes électorales, celle de son élection et puis 4 ans plus tard, sa réélection, 1 an avant d'être assassiné. Déjà chez certains candidats, on trouve l'expression d'une méfiance ostensible et qu'ils pensent efficace aux yeux des électeurs à l'égard de Washington, à l'égard de l'organisation centralisée dans un pays qui est tellement attaché au fédéralisme. Et on retrouve ça chez Trump, qui me paraît incarner à la fois et très bien l'influence de l'argent sur le système électoral, à la perfection à vrai dire, tout en se posant en adversaire de l'establishment politique. C'est déjà une combinaison d'époque, non? Oui, avec une originalité en ce qui concerne Trump, c'est qu'il n'a jamais été élu, il n'a jamais détenu aucun mandat, ni un mandat national au Congrès, par exemple, un mandat de sénateur, c'était le cas d'Obama qui était sénateur de l'Illinois, ni un mandat de gouverneur dans un État comme son État de New York, par exemple, ou tout autre État. Ça, c'est quand même une grande originalité que d'avoir un candidat sans aucun passé politique, en quelque sorte vierge, et qui n'a pas de bilan et de compte à rendre aux électeurs. La chambre de Lincoln, la Maison-Blanche, est restée comme une pièce de musée. Et qu'un des cadeaux que les présidents peuvent faire à ceux qui leur apportent beaucoup d'argent, aux donateurs majeurs, c'est de leur permettre, figurez-vous, de passer une nuit, quel privilège, dans la chambre de Lincoln. Ça n'a pas été d'ailleurs sans créer quelques scandales à un moment donné, en 1996. Parce qu'on a dit que c'était utiliser un immeuble prestigieux et à vocation publique au profit d'intérêts privés. Cela fait partie des formes de rétribution symbolique. Il y a aussi des rétributions matérielles que les généreux donateurs attendent de la part du président une fois élu. Après la victoire. Après la victoire, une nuit dans la chambre de Lincoln. Quelle volupté. C'est quelque chose de certainement tout à fait agréable. On peut ajouter à cela aussi une ambassade prestigieuse. L'ambassade de Paris, par exemple, est généralement accordée à un généreux donateur, ça a été le cas ces dernières années. Ou donatrice. Ou donatrice, cela peut également... Madame Harriman. Voilà, cela peut également arriver. Il y a également des postes importants à distribuer dans le gouvernement fédéral, des postes pas trop essentiels du point de vue du pouvoir exécutif, mais dont le prestige est de nature à satisfaire le donateur. Une date est très importante. Avançons Pape Ndiaye dans le cours du 19e siècle, un siècle qui voit progressivement l'importance des partis s'affirmer. Une date est très importante, c'est celle de 1896. Dans vos écrits, vous avez toujours mis l'accent sur un tournant qui vous paraît capital. C'est l'affrontement entre Bryan et McKinley. Et c'est un moment où déjà les machines des partis sont en place. On connaît Tammany Hall pour les démocrates, par exemple, lieu de circulation d'argent caché. Oui, ce sont les machines à l'échelle des villes. Tammany Hall, c'est la machine démocrate de New York qui contrôle très étroitement, par une politique clientéliste, le vote municipal à New York. Mais à l'échelle nationale, on a déjà l'affrontement entre les deux grands partis que l'on connaît aujourd'hui, le Parti démocrate et le Parti républicain. Et c'est du côté du Parti républicain, avec McKinley en 1896, que l'on a, au fond, la première campagne moderne, puisque McKinley fait appel, via un ami financier, Mark Hanna, H.A. de Zena, qui est au carrefour de la politique et puis du monde des affaires, il fait appel à de riches hommes d'affaires, Rockefeller pour la Standard Oil, la banque Morgan, la compagnie d'assurance New York City Life. Bref, ces hommes d'affaires donnent de l'argent pour permettre l'élection de McKinley, qui dépense sans compter pendant sa campagne. Il a des bureaux à Chicago, avec des centaines de personnes qui envoient des brochures dans tout le pays, en 12 langues différentes. Des badges, on fait campagne par des affiches, par des posters, des tracts, par toutes sortes de moyens qui seront généralisés par la suite. Et donc cette campagne coûte une somme tout à fait remarquable à l'époque et permet à McKinley de défaire son brillant adversaire, le démocrate Bryan. On peut signaler au passage que ça se terminera mal puisqu'il a été assassiné par un anarchiste dans ces années de l'anarchisme brutal au cours de son second mandat. C'est un des quatre présidents des États-Unis qui ont été assassinés, n'est-ce pas, avec Garfield, Lincoln et John Kennedy, bien sûr. Kennedy, bien sûr. Il y a un autre aspect à ce moment-là, c'est l'émergence des journalistes en quête de ce qui se passe. On appelle ça des muckrakers, des gens qui vont chercher dans la boue. C'est du journalisme d'enquête. D'investigation. D'investigation, un peu sensationnaliste, qui révèle en particulier du côté de McKinley ses liens avec les milieux d'affaires. Mark Hanna, justement, est dépeint dans cette presse à sensation. Dollar Mark, on l'appelle. Dollar Mark, et ses costumes sont faits de billets de banque cousus les uns sur les autres. Dans les caricatures. On le voit fréquemment également dans les dessins manipulant la Maison Blanche comme un marionnettiste. C'est un moyen pour cette presse de souligner que le vrai pouvoir n'est pas à la Maison Blanche, mais qu'il est plutôt du côté de Wall Street et des puissances de l'argent. Il est d'ailleurs notable qu'il n'y a eu qu'un seul président démocrate, Cleveland, entre 1861 et 1913, ce qui signifie assurément que les républicains sont portés de façon efficace par cet argent des grandes entreprises en plein essor qui les choisissent. C'est à la fois, bien sûr, le lien entre le Parti républicain et puis les milieux d'affaires qui sont si importants à la fin du 19e siècle et évidemment au 20e siècle, qui donnent l'avantage au Parti républicain du point de vue des financements. Et puis c'est aussi le fait que le Parti républicain a hérité du prestige de Lincoln. C'est le parti qui a mis fin à l'esclavage. GOP, le Grand Old Party. Le Grand Old Party. Et ce parti, jusqu'au début du XXe siècle, joue beaucoup sur sa légitimité, en quelque sorte, qui est celle d'avoir gagné la guerre de sécession, d'avoir maintenu l'unité du pays. Il est fréquent à la fin du XIXe siècle que le Parti républicain organise des défilés avec des vétérans. McKinley lui-même est un ancien officier de la guerre de sécession. Bref, cette guerre a encore une importance tout à fait évidente à cette époque-là. L'attitude de Theodore Roosevelt, le grand président républicain du début du XXe siècle, est intéressante parce qu'elle est assez ambiguë ou ambivalente. Il a été un des premiers, en 1902, à s'inquiéter de ce qu'il appelait le contrôle des entreprises. Contrôle au sens anglais du terme, pas au sens français. Comment garder une mainmise sur elle. Et en même temps, 2 ans plus tard, il n'a pas hésité à solliciter la générosité des compagnies de chemin de fer et d'assurance et des grandes banques pour assurer sa réélection. C'est vrai, lui aussi s'inscrit dans les pas de McKinley. Après tout, il en avait été le vice-président. Mais Theodore Roosevelt est un président indépendant. Ses mandats se caractérisent justement par le fait qu'il met en place des mesures de régulation du grand capitalisme, des mesures qui vont en direction des consommateurs, par exemple, avec la création de la Food and Drug Administration, la fameuse administration fédérale qui contrôle les aliments ainsi que les médicaments. Et puis, il est aussi à l'origine de la première loi de contrôle de financement de la vie politique américaine, la loi Tillman, en 1906. Cette loi prévoit une limite de financement pour les particuliers. Elle interdit aussi aux entreprises de financer les candidats, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'organe de vérification de telle sorte que les entreprises peuvent facilement passer par un tiers pour financer le candidat de leur choix. Cette loi est de peu d'efficacité, mais elle témoigne quand même de quelque chose, c'est-à-dire d'une inquiétude vis-à-vis de l'importance grandissante des financements et de l'origine de ces financements, en particulier du côté de Wall Street et des grandes compagnies qui, à cette époque-là, sont encore très peu régulées. Les amendes sont très faibles, mais on voit apparaître dès ce moment-là ce qui est toujours l'arsenal de ceux qui s'efforcent de limiter les dépenses électorales, c'est-à-dire la transparence, la limite de ce que l'on peut recevoir et la limite de ce qu'on peut dépenser. Oui, les amendes sont ridicules. En effet, ces dispositions qui sont en vigueur jusqu'au début des années 1970 sont de peu d'effet pour limiter le financement des campagnes électorales, en particulier des campagnes présidentielles. Comme on le voit d'ailleurs en 1932 avec l'élection de Franklin Roosevelt et encore plus en 1960 avec l'élection de John Kennedy. Enfin, l'interdiction de tout don financier de la part des entreprises, c'est quand même très rigoureux, alors que la Cour suprême, très récemment, Cour très conservatrice, a expliqué que les entreprises étaient aussi libres que les individus et au nom du premier amendement, toujours lui, liberté d'expression, était autorisée à pourvoir largement aux frais électoraux, ce qui évidemment ouvrait la bonde. Les grandes entreprises américaines financent largement les campagnes électorales. Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, financent aussi bien les démocrates que les républicains, en plaçant finalement leurs intérêts un peu de tous les côtés. C'est aussi une manière pour elles, en prenant peut-être un peu de hauteur par rapport à ces stratégies, c'est aussi une manière pour elles de soutenir, en tout cas c'est ce qu'elles disent, la vie démocratique du pays. Une démocratie a besoin d'argent, n'est-ce pas? Et pourquoi pas un argent qui vient de la part de telle ou telle entreprise, à condition, bien sûr, que cet argent ne soit pas lié à telle ou telle demande. Mais c'est là, évidemment, que le bât blesse, parce que tout don accepté par un candidat, quel qu'il soit, peut être suivi, évidemment, d'une forme de récompense, de rétribution, d'un contre-don, pourrait-on dire. Surtout lorsqu'il s'agit de milliardaires. Les millionnaires sont désormais assez négligés. Et la quantité des dons reçus est d'ailleurs beaucoup plus élevée dans le cas de Hillary Clinton que dans le cas de Trump, peut-être parce qu'elle est un peu moins riche en dépit de tout l'argent que le couple a gagné grâce en particulier aux prestations intellectuelles et aux conférences de Bill Clinton. Les Clinton ne sont pas pauvres. Vous avez raison de le souligner. Mais du côté de Trump, on ne peut pas dire que Trump et ouvert les cordons de sa bourse financière. Il a dépensé très peu d'argent, de son propre argent, je veux dire. Il fait appel à des dons, il fait appel aux mécanismes classiques du financement actuel des campagnes électorales. Ses dépenses personnelles, par exemple, ses dépenses en termes de transport, puisqu'il a son propre avion, l'avion Trump, qui sillonne le pays d'un bout à l'autre, eh bien, il réclame que ses dépenses en carburant, par exemple, soient remboursées par son comité de campagne. Et donc, ce qui est très, très frappant, c'est la faiblesse, et je dirais presque la radinerie de Trump en ce qui concerne ses finances personnelles. En cela, il est assez différent d'autres grandes figures de la vie politique passée à l'échelle, par exemple, du Congrès, où je pense aussi à Ross Perot, ce milliardaire candidat en 1992. Qui a contribué à l'échec de George Bush, puisqu'il a obtenu 18% des voix, donc ça a permis l'élection de Bill Clinton. On a oublié un peu ce Perot, mais il était finalement le premier milliardaire à se présenté à l'élection présidentielle. Et lui, au contraire, avait dépensé une partie de sa fortune pour pouvoir se hisser jusqu'en finale. La plupart des candidats, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes très riches, ont leur milliardaire chouchou, comme on a dit parfois, ad hoc. Il y a des liens entre eux, des liens anciens qui sont forgés entre les candidats et puis quelques figures du monde des affaires. Du côté des républicains, on a affaire plutôt à des banquiers, à de gros industriels. Du côté des démocrates, c'est un autre secteur du monde des affaires, par exemple celui du showbiz, du cinéma, le monde de l'informatique. C'est plutôt la côte ouest, finalement, d'un point de vue géographique, qui penche très fortement du côté démocrate. Donc les démocrates, aujourd'hui, ont à leur disposition, tout de même, des fonds qui sont des fonds très importants venant de ces nouveaux secteurs du capitalisme américain. Je parlais d'augmentation vertigineuse quand on voit que le camp d'Hillary Clinton a annoncé qu'elle prévoyait de recueillir 2,5 milliards de dollars, alors que Trump paraît un peu boudé par les contributeurs. Toute la question est évidemment de savoir s'il y a des rétributions ensuite et pas seulement le droit de passer une nuit dans la chambre de Lincoln. Au cœur de cette émission, Pam Diaye, que nous consacrons à la question du financement des campagnes électorales aux États-Unis et de leurs conséquences, on doit sans cesse se poser la question. Pour évoquer le risque de compromission dans une élection, j'ai le goût de vous faire entendre un extrait d'un film très célèbre de Frank Capra, Monsieur Smith au Sénat, de 1939, qui est une dénonciation précisément du rôle de l'argent, notamment électoral. Nous allons entendre une conversation entre un lobbyiste, un homme d'affaires, Jim Taylor, et un sénateur, Joseph Harrison Payne. Il finira par se repentir à la fin du film. Joseph Harrison Payne qui traficote avec le précédent à propos d'un barrage dont la construction est incertaine et qui est liée à beaucoup d'affaires privées. Jim, notre projet de barrage va poser un petit problème. L'homme qu'on enverra succéder à Follet ne devra jamais être trop curieux. Il devra me laisser son tour de parole. Il nous faut être absolument sûr de cet homme. C'est pour ça que je dis Horace Miller. Ce sera un vrai toutou. Jim, je pense que nous devrions repousser cette affaire. Notre projet peut être débattu lors d'une autre session du Congrès. Ou être abandonné. Vous n'y pensez pas, ce serait absurde, voyons. Vous et moi avons trop fait pour ça. Et notre projet de barrage est pratiquement admis. Cela grâce à votre habileté. Il suffit que le Congrès vote la loi qu'il concrétisera. On ne va pas se relâcher au moment d'aboutir. Un nouvel homme dans l'affaire peut déclencher un scandale. Est-ce qu'on peut courir ce risque? Mais quel risque y a-t-il? Qu'est-ce qui vous arrive, mon vieux? Croyez que je ne tiens nullement à vous faire courir de risque. J'ai le plus grand intérêt à maintenir la réputation que vous vous êtes faite au Sénat. Regardez ça. Cette campagne en votre faveur dans toute ma presse. Et vous croyez vraiment que les gens vont gober tout ça? Ben, on ne sait jamais. Après tout, vous êtes notre grand homme politique de l'Ouest, dont le renom ne cesse de croître. Et déjà, moi, je vous vois président. Jim, si vous croyez à ce point que je suis destiné au plus haut poste, qu'est-ce qui vous retient alors d'abandonner cette histoire? Mais c'est la logique, voyons. N'oubliez surtout pas, cher ami, que nous avons acheté ces propriétés en sous-main grâce à nos hommes de paille. Que l'on abandonne va sembler curieux. Ça peut mener à faire des enquêtes qui France Culture, concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Ce qu'on a acquis pour rien. Il se trouve que Miller, le candidat favori du personnage qui s'exprime, ne sera pas élu au Sénat et qu'on verra surgir la personnalité emblématique, indépendante, représentant le peuple, qui est incarnée par James Stewart à l'écran. Voilà, et donc, au fond, que ces agissements peuvent être mis en échec par une mobilisation populaire, ce qui est tout à fait dans l'air du temps. Dans les années 30, on est à l'époque du New Deal, hein, une époque où l'on veut en quelque sorte refonder la politique et l'éloigner de ces turpitudes et de ces errements du passé. Mais cet extrait est tout de même aussi intéressant parce que aujourd'hui encore, dans les lois votées au Sénat en particulier, on trouve parfois un paragraphe à la fin du texte de loi mentionnant la construction d'une route, la construction d'un barrage, quelque chose qui n'a rien à voir avec le texte de loi et qui a été ajouté précisément pour que tel sénateur de tel État vote la loi. Dans le langage politique américain, on appelle ça du pork, du cochon, littéralement, c'est-à-dire un ajout purement circonstanciel et opportuniste fait pour obtenir une majorité des voix des sénateurs. Vous parlez du New Deal. On peut s'arrêter un instant sur le financement de la campagne de Franklin Delano Roosevelt en 1932. Il a été secondé par Joseph Kennedy, le père de Jack Kennedy, qui était un financier rusé. Le mot rusé peut être une manière douce de dire qu'il était franchement incertain dans ses pratiques. D'ailleurs, Roosevelt déclarait qu'il s'agissait d'un escroc pour attraper d'autres escrocs. Oui, Joseph Kennedy, donc le père du futur président, seconde très efficacement Roosevelt. C'est lui qui organise les levées de fonds qui permettent la victoire électorale sur Hoover en novembre 1932. Joseph Kennedy, qui est un requin de la finance à très mauvaise réputation, se voit récompensé par Roosevelt après son élection en obtenant le poste de président de la commission de surveillance des opérations de bourse, la SEC américaine. Et c'est à cette occasion que Roosevelt a lancé son beau mot d'un escroc fait pour attraper les autres escrocs. Joseph Kennedy avait d'ailleurs espoir d'une carrière politique qui ne s'est finalement pas matérialisée, à la fois en raison de ses pratiques financières et de sa mauvaise réputation, et puis aussi de ses inclinations politiques suspectes à la fin des années 30. Il manifestait une forme de sympathie pour les régimes totalitaires d'Europe. Et cela me conduit avec vous jusqu'aux années 1955-60 avec une donnée majeure qui va tellement compter du point de vue de cette histoire du financement de la vie politique, c'est-à-dire l'introduction de la publicité politique à la télévision. Premier moment, c'est 1952 avec voilà. Richard Nixon. La publicité arrive donc dans les années 50 avec Richard Nixon, qui est dont la carrière politique décolle à ce moment-là, puisqu'il sera vice-président d'Eisenhower avant de tenter sa chance à la présidence en 1960 contre Kennedy. Mais le coup d'accélérateur est bien fourni par John Kennedy, justement, en 1960, lors de sa campagne présidentielle, puisque lui fait appel à une agence de publicité renommée de San Francisco qui élabore des spots publicitaires qui arrosent le pays et qui le font connaître auprès de tous les Américains, ce qui n'était pas encore évident à ce moment-là parce que John Kennedy est jeune, c'est un sénateur tout à fait ambitieux du Massachusetts, mais il n'a pas encore la célébrité, l'aura d'un Nixon, son adversaire républicain qui justement est vice-président. Ce n'est pas seulement de la publicité positive, comme celle qui est gratuitement offerte en France aux différents partis lors des élections, c'est aussi de la publicité négative, ce qui conduit évidemment très loin. Et un des premiers spots est celui où on voit Richard Nixon et où les démocrates s'écrient, ses adversaires, « Est-ce que vous achèteriez une voiture d'occasion à cet homme-là ?» Voilà, on insiste beaucoup sur la mine presque patibulaire de Nixon, en tout cas sur ses habitudes politiques qui sont assez décriées. Il a mauvaise réputation, assez juste titre, à ce moment-là, de telle sorte que les démocrates s'en donnent à cœur joie en 1960 en soulignant finalement une malhonnêteté relative de Nixon. Cela joue un rôle certainement dans la victoire de justesse d'ailleurs de Kennedy en novembre. Sur l'importance de la publicité désormais dans les élections américaines, cette archive de reportage de Jean-Luc Hesse et Bertrand Vanier qui sont aux États-Unis au moment des élections de 1986, dans le téléphone sonne de France Inter, le 4 novembre de cette année-là. Écoutons-les. Nous étions allés récemment, Bertrand Vanier et moi, à un colloque sur le marketing politique. Nous avions vu quelques publicités d'une férocité, d'une méchanceté extraordinaire dont les gens ne se sont jamais relevés, comme par exemple le sénateur Barry Goldwater, qui quitte d'ailleurs cette année le Sénat, à l'âge de 77 ans. Barry Goldwater avait été candidat en 1964 à l'élection présidentielle contre Johnson. Et tout le monde se souvient de ce spot où on voit une petite fille tout à fait mignonne, mignonne à croquer, qui est dans un champ de blé, qui est en train de défeuiller les pétales d'une marguerite. Et alors elle dit « je t'aime » un peu, beaucoup, passionnément. Et ça se confond avec le compte à rebours d'une bombe atomique, d'une bombe thermonucléaire. Et la petite fille, le visage de la petite fille disparaît dans le spectacle du champignon atomique. Donc le message était simple, si vous votez pour Goldwater, eh bien un jour peut-être que vos petits-enfants ou vos enfants termineront dans un nuage atomique, donc votez pas Goldwater, et Goldwater ne s'en était jamais relevé. Et cette année, par exemple, les messages, s'ils n'ont pas été aussi durs, ont fourni parfois une image de la politique assez étonnante. Ainsi, dans l'Oklahoma, le démocrate Jim Jones apparaissait sur les écrans en disant « J'aurai tous les jours un peu plus de temps pour me concerner au problème de l'Oklahoma, car je n'ai pas besoin de cet ustensile. » Et c'est à ce moment-là que l'on voit sa main apparaître dans l'écran. Il tient un séchoir à cheveux, et il faut dire que le démocrate Jim Jones est chauve. Donc il vantait ses qualités de travailleur en disant qu'il n'avait pas 5 minutes à perdre pour se sécher les cheveux chaque matin en se levant. Ça n'est pas d'un très très haut niveau politique, il faut l'avouer. Le sèche-cheveux en question est resté fameux chez les politistes spécialistes des États-Unis et d'ailleurs. Pour comprendre le spot dirigé contre Goldwater, il faut dire qu'il avait défendu l'idée qu'on utilise des petites bombes thermonucléaires en cas d'opposition grave à un pays ennemi. Oui, en 1964, Goldwater campait sur des positions très militaristes, même réactionnaires, puisqu'il voulait démanteler en partie les programmes sociaux qui avaient été mis en place par le New Deal et par John Kennedy. Il a essuyé d'ailleurs la défaite la plus cinglante de l'ère politique moderne aux États-Unis. Mais l'irruption de la publicité télévisée, on ne sait pas exactement quel est son effet sur les électeurs. Cela est très difficile à mesurer. En revanche, parfois, on la mythifie. On la mythifie, on en fait un élément central dans le choix des électeurs. Moi, je suis relativement sceptique là-dessus. En revanche, ce qui est certain, c'est que la publicité télévisée a fait exploser le coût des campagnes. Vers 1960, le coût total de la campagne présidentielle et des élections législatives qui ont lieu pendant la campagne présidentielle, se montait à 175 millions de dollars. Aujourd'hui, on a dépassé les 4 milliards de dollars. Une bonne partie de cette somme passe en publicité télévisée. Non pas des publicités d'ailleurs qui sont diffusées sur l'ensemble du pays, mais sur des États spécifiques qui sont les États où l'élection va se jouer. Et donc dans certains États, comme l'Ohio par exemple, la Pennsylvanie, la Floride ou la Caroline du Nord, eh bien les habitants sont abreuvés, mais nuit et jour, de publicités télévisées vantant un candidat ou dénigrant évidemment tel autre candidat. C'est une manière de marteler les électeurs qui peut aussi conduire à de la lassitude de leur part. Mais il n'en demeure pas moins que, encore aujourd'hui, les candidats, Hillary Clinton et Donald Trump, s'affrontent dans ces états décisifs à coup de publicité. Il est d'ailleurs notable d'un point de vue français que l'extrait que je vous ai donné, qui est de 1986, correspond précisément à une époque où on a frôlé l'idée de l'introduction de la publicité politique à notre télévision, sur nos écrans. C'était une idée qu'ont défendu beaucoup de membres de la majorité de l'époque, après le succès de la droite en 86, et qui finalement, elle était soutenue bien sûr par le lobby des publicitaires, Jacques Séguéla, Thierry Saucès, etc. Et elle a été repoussée que de justesse par un accord entre l'opposition socialiste et un certain nombre de centristes, tandis que la Commission nationale de la communication et des libertés s'était montrée très, très incertaine, très prudente à ce propos-là. Et c'eût été, on peut le dire, un désastre, puisque ça aurait été le pire de ce qui se passe outre-Atlantique que nous aurions introduit chez nous. On voit à ce moment-là, néanmoins, aux États-Unis, un effort législatif pour reprendre en main ces choses et pour ne pas laisser ce dévergondage de l'argent. Il faut dire qu'à l'époque, par exemple en 71, on voit les coopératives laitières qui promettent au président Nixon une contribution électorale de 2 millions de dollars, on est en mars 71, et que quelques jours après, le prix du lait est relevé de quelques centimes, ce qui aurait rapporté 300 à 700 millions, beaucoup plus de dollars aux producteurs laitiers. Des trocs qui sont assez nombreux. Oui, et des trocs qui d'ailleurs prennent une allure quasi officielle. On marchande à qui mieux mieux à cette époque. Aujourd'hui, ça se fait encore, mais de manière un peu moins visible. D'où la loi de 1971, à laquelle s'ajoute un ajout 2 ans plus tard au moment du Watergate, qui s'efforce pour la première fois aux États-Unis de manière stricte de réguler le financement et d'apporter un financement fédéral, un financement public aux campagnes présidentielles. C'est le Federal Election Campaign Act, voilà, la loi qui organise la campagne au niveau fédéral. En 1971, qui limite les contributions financières des particuliers comme des organisations, et elle prévoit également que l'État apportera sa contribution au financement de la campagne présidentielle, ainsi d'ailleurs que des campagnes primaires, de manière évidemment à limiter l'influence des groupes comme le lobby des laitiers à cette époque-là, et donc en quelque sorte à moraliser la vie politique américaine. Cette loi, comme vous le dites, a été rendue plus stricte, sans grand succès, mais tout de même plus stricte à l'occasion du Watergate, qui a jeté une lumière sur ces pratiques. On en trouve l'écho dans le film de Pakula, Alan J. Pakula, de 1976. Vous savez, les hommes du président, avec Robert Redford et Dustin Hoffman. Voilà un extrait en traduction française, bien sûr. Oui, veuillez m'excuser d'avoir raccroché tout à l'heure. Je n'étais pas sûr que vous soyez un journaliste du Poste. Nous parlions d'un chèque de 25 000 dollars, me semble-t-il. Ah, je vous avoue mon extrême embarras. J'ai mis les pieds dans quelque chose qui m'échappe. Il s'agirait de quoi, d'après vous ? J'ai affaire à des tas de gens importants. Travaillant tous pour le comité ? Allô ? Oui, pour le comité. Le comité de réélection du président ? Oui. Voyez-vous, j'avais réuni ces fonds en espèces. Et comme j'ai une résidence d'hiver en Floride, j'ai donc... Et elle est à Miami ? Boca Raton. Je n'ai pas voulu avoir sur moi tout ce liquide, n'est-ce pas ? C'est bien compréhensible. Bien sûr, c'est évident. Alors je l'ai transformé en bon de caisse. Comment est-il arrivé sur le compte de Barker dans ces conditions ? Je sais que je ne devrais pas vous dire cela. Je l'ai remis à M. Stans. Je vous demande pardon. Je l'ai remis à Stans. L'ex-ministre du Commerce ? Le directeur des finances du comité de... Oui, à Washington. Ce que lui en a fait, ça, vraiment, je ne sais pas. Je vois. D'après vous, est-ce que d'autres chèques auraient pu prendre le même chemin que celui... Je ne vous en dirai pas plus. Monsieur McGregor... Monsieur Dahlberg... Excusez-moi, merci infiniment. Alors, Pape Ndiaye, quel commentaire ? Eh bien, finalement, on voit que dans les années 70, en dépit de cet effort de moralisation de la vie politique incarné par la loi de 1971, la vie politique américaine se caractérise encore par des sources de financement multiples, parfois occultes, d'autant plus qu'en 1976, une décision de la Cour suprême est venu à l'appui de ceux qui voulaient un peu desserrer le corset fédéral du contrôle des finances politiques, lorsque la Cour suprême donc a indiqué que, en ce qui concerne les élections législatives, les candidats pouvaient dépenser librement leur propre argent, ce qui a permis à des figures importantes du monde des affaires, à des grands millionnaires, en quelque sorte, de faire campagne pour s'offrir un siège au Sénat ou à la Chambre des représentants. Et on a observé dès lors qu'un certain nombre de figures importantes, avec des résultats d'ailleurs pas toujours garantis, se lançaient dans des campagnes électorales extrêmement dispendieuses. Je pense à Huffington, par exemple, en Californie. Il y a d'autres cas dans le New Jersey et ailleurs, de milliardaires donc qui veulent entrer au Sénat, mais les dépenses ne garantissent pas toujours l'élection, bien sûr. Cela vaut aussi pour la présidentielle d'ailleurs, puisqu'on peut citer le cas de Nelson Rockefeller, par exemple, qui a été tout près d'être désigné comme candidat républicain. Voilà, et qui est vice-président de Gerald Ford, enfin sur le ticket de Gerald Ford. En battu. 1976, il est battu. Il y a donc Nelson Rockefeller est républicain, mais il y a du côté du Sénat un sénateur, un autre Rockefeller qui lui est démocrate. Il est même plutôt sur l'aile gauche du Parti démocrate. C'est Jay Rockefeller, sénateur de Virginie-Occidentale, sénateur inamovible. Et qui a été gouverneur aussi. Et qui a été gouverneur aussi de Virginie-Occidentale. Bref, les noms, les grands noms du capitalisme américain sont bien présents du côté du Capitole, même si, dans l'ensemble, les grandes fortunes américaines, plutôt que de s'en lancer dans une campagne électorale qui oblige peu ou prou à montrer l'état de sa fortune, éventuellement son avis d'imposition, quoique Trump s'y refuse pour le moment, tout cela oblige à une forme de dévoilement qui n'est pas forcément propice aux affaires et également à la situation juridique des personnes concernées. Donc, dans l'ensemble, les grandes fortunes préfèrent rester en coulisses, préfèrent jouer de leur influence plutôt que de se lancer directement dans la campagne électorale. On évoque moins de 300 familles qui joueraient à cet égard un rôle essentiel. Il reste que les efforts de législation échouent à peu près partout, du triple point de vue de la transparence, beaucoup de choses restent cachées, du point de vue de la limitation des dons et du point de vue plus encore de la limitation des dépenses. Dans beaucoup de pays, c'est le ressort qu'on fait jouer. Par exemple, au Japon ou d'autres, et en Europe occidentale, on n'avait pas le droit de dépenser plus d'eux. En France également, notamment depuis les lois des années 1990. Et toujours la Cour suprême s'appuie sur le fameux premier amendement sur la liberté d'expression, un amendement qui a bon dos. Le contrôle du financement s'est délité, finalement, depuis les années 70, et ce, d'une double manière. D'abord parce que les candidats se sont désormais affranchis du financement public de leur campagne. Il n'y a donc plus de plafond de dépenses. Obama l'a fait dès 2008, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, parallèlement à cela, il existe ce qu'on appelle le « soft money », l'argent mou, littéralement, c'est-à-dire... Mou ou dur, en fait. Mou ou dur, d'ailleurs, du point de vue de ses effets, vous avez raison. C'est-à-dire des organisations qui soutiennent de manière officieuse le candidat en dépensant de l'argent pour dénigrer l'adversaire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les « super PAC ». Et les super PAC n'ont pas de limite de financement. Ils sont censés être indépendants du candidat qu'ils soutiennent. Mais c'est une blague, évidemment. Mais c'est une blague. L'essentiel de l'argent des super PAC passe en publicité négative pour accabler, bien entendu, le candidat adverse. Ce contournement, donc, a également joué un rôle dans l'explosion des frais de campagne. Dans le cas d'Obama, par exemple, ou de Mitt Romney, on est à 1 milliard de dollars en 2012 du point de vue donc, du financement officiel de la campagne. Romney, c'est l'adversaire républicain d'Obama en 2012. Voilà, mais il faut ajouter à cela des centaines de millions de dollars qui ont été dépensés par les fameux super PAC. Les républicains sont en avance d'ailleurs de ce côté, en publicité négative pour favoriser évidemment leur candidat. Il y avait d'abord eu les PAC, c'est-à-dire Political Action Committees. On a le droit d'agir, dit la Cour suprême. Et puis ensuite, les super PAC, effectivement, qui viennent, on peut dire, aggraver la situation du point de vue qui nous occupe. Oui, ils sont venus aggraver la situation au sens où les PAC de jadis militaient en faveur d'une cause particulière qui se trouvait être une cause soutenue, évidemment, par le candidat de leur choix. Tandis que les super PAC, eux, ont d'abord pour fonction essentielle celle de dénigrer, voire de couler l'adversaire par des campagne de publicité, d'une agressivité, d'un cynisme, d'une mauvaise foi tout à fait incroyable. Enfin, il faut voir les campagnes de publicité, il faut voir, aller sur Internet par exemple, pour voir les publicités qui passent actuellement. Par exemple, ce sont des concours de mauvaise foi, par exemple des publicités dénigrant Hillary Clinton, la présentant avec des montages d'images suggérant qu'elle est à bout de force et que sa santé est très défaillante, indiquant également qu'elle est à peu près responsable de tous les événements graves et néfastes qui sont arrivés aux États-Unis depuis 2008. On le fait avec une mauvaise foi absolument incroyable. Et de ce point de vue-là, Trump a le soutien de super PAC qui sont des super PAC relativement bien financés, même s'il faut noter qu'un certain nombre des grands financeurs classiques du Parti républicain, je pense en particulier aux frères Koch. Les frères Koch, ce sont des grands financiers depuis longtemps du Parti républicain. La pétrochimie. De la pétrochimie. Cette fois-ci, se sont maintenus un peu en marge, tant Trump ne leur plaît pas. Donc, ils financent plutôt les campagnes législatives des candidats républicains actuellement. C'est le cas aussi de Sheldon Adelson, le milliardaire des casinos, lui aussi grand financeur des républicains, de Mitt Romney par exemple en 2012 ou de John McCain en 2008, qui est beaucoup plus prudent cette fois-ci en ce qui concerne Trump. Il le finance, mais pas à hauteur de ce qu'il aurait pu faire. On peut ajouter que ces super PACs profitent souvent d'avantages fiscaux qui avaient été prévus en fait pour les ONG de charité ou de soutien aux défavorisés. C'est très juste. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, la législation fiscale américaine a favorisé le développement de ces organisations qui sont des organisations particulièrement néfastes. Là encore, elles ne contribuent pas au débat démocratique. Elles le tordent, biaisent dans des directions qui sont des directions profondément problématiques. Cette inflation formidable a une autre conséquence. Elle pèse sur l'organisation des campagnes des candidats qui finissent par passer beaucoup plus de temps à lever des fonds. Par exemple, en 2012, Obama aurait participé à 221 réunions de levée de fonds dans 29 États et n'aurait fait que 101 meetings dans 9 États. C'est en effet une des conséquences de ces budgets extraordinaires que des candidats à l'élection présidentielle, y compris d'ailleurs dans les derniers temps de la campagne, lorsque l'argent parfois vient à manquer, qui passent une bonne partie de leur temps en dîner, puisque ce sont souvent des dîners de levée de fonds, au cours desquels les convives dépensent 3, 4 000, 5 000 dollars pour pouvoir être dans la même salle, parfois à la même table, que le candidat. Ça, c'est beaucoup plus cher quand on est à la même table. Voilà. Il y a évidemment toute une gamme de prix, ce qui permet aussi aux invités, bien sûr, de glisser un mot au candidat, de présenter une cause, de présenter ses services. C'est l'occasion, évidemment, de formes de négociation, disons, informelle entre les uns et entre les autres. Il n'en demeure pas moins que c'est l'ordinaire de la campagne présidentielle. À la télévision, on voit toujours les images de meeting, bien entendu, les candidats dans leurs bus qui sillonnent le pays. Ce sont les bus qui ont remplacé les chemins de fer de jadis. Hein. De Bryan et de McKinley. Voilà. Mais la réalité de leur emploi du temps, c'est celle de ces levées de fonds, de ces dîners, de ces rencontres qui permettent d'obtenir de l'argent. Et bien entendu, cela se fait également au détriment du débat démocratique. Eh bien, merci beaucoup, Pambia. Il me semble qu'en dépit de l'admiration que nous avons pour beaucoup d'aspects de la démocratie américaine, cela peut faire réfléchir ceux qui souhaiteraient copier pour un régime présidentiel ou autrement certaines pratiques d'outre-Atlantique. Merci de nous avoir à cet égard éclairé dans la longue durée de cette histoire. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur les États-Unis d'Amérique, notamment un livre très remarqué sur les Noirs aux États-Unis. Je voudrais citer spécialement votre Histoire de Chicago, qui est paru chez Fayard en 2013, en collaboration avec Andrew Diamond. C'était aussi l'occasion de traiter les thèmes d'aujourd'hui, le financement des partis politiques. Oui, à l'échelle d'une ville, Chicago, qui s'est caractérisée par la proximité entre les maires et puis les hommes d'affaires, et aussi les hommes d'affaires malhonnête comme Al Capone dans les années 20, qui était à tu et à toi avec le maire de l'époque qui s'appelait Big Bill Thompson. Et les deux, bien entendu, concouraient au contournement des lois sur la prohibition dans cette ville qui était alors particulièrement corrompue. Al Capone avait probablement subventionné les candidats. On n'a même aucun doute à cet égard. La semaine prochaine, nous serons à Blois pour les fameux rendez-vous de l'histoire. Et en direct, je recevrai Yves Saint-Jour, notre actuel ambassadeur à Madrid, qui de surcroît est un excellent historien de l'Amérique latine, et nous parlerons, le sujet s'impose, de la Colombie, puisque ces jours-ci, comme vous savez, après tant d'années, de décennies, la paix civile paraît y revenir. La Colombie, flux et reflux d'un peuple déchiré. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux. Une émission réalisée, comme chaque samedi, par Patrick Molinier, avec Jason Taous à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et Sandra Escamez